Le diamant fatal par Pierre Lecomte du Nouy. Ce soir-là, Charles B. Stetson avait réuni plusieurs amis pour faire un petit poker. Il est d'ailleurs curieux de remarquer la facilité extraordinaire avec laquelle un petit poker grandit. Ce jeu possède réellement une faculté de croissance prodigieuse et bien faite pour étonner un observateur impartial. Cette constatation rendit le maître de la maison songeur. À la table de jeu se trouvaient en prise de vieux rivaux irréconciliables, Jim Kelly et Burton, anciens prospecteurs, ayant roulé un peu partout. Riches tous deux, ils gardaient l'un contre l'autre une rancune mal dissimulée. Kelly, géant roux, aux petits yeux gris enfoncés sous l'arcade sourcilière, sorte de brute sans instruction, jalousait toujours Burton, plus fin, plus élégant, et dont le savoir-vivre et l'éducation le mettaient hors de lui. Burton, de son côté, ne pouvait pardonner à Kelly une chance folle, une chance monstrueuse, qui faisait de ce sauvage son égal par la fortune. Kelly parlait peu et conservait de son origine vulgaire une haine instinctive contre les gens qui s'exprimaient facilement. Or, Burton parlait fort bien. C'est pourquoi Stetson, qui décidément appréhendait une collision néfaste, opéra une brusque diversion. « Assez joué pour aujourd'hui, » s'écria-t-il tout à coup. « J'ai là quelque chose qui va, si je ne m'abuse, vous intéresser. » En parlant, il se dirigea vers un petit meuble fermé à clé, d'où il sortit une corbeille d'osier pleine de pierres diversement colorées. « Voici des échantillons minéralogiques qu'un de mes amis m'a confiés après une tournée dans les environs. Je pense qu'en tant que mineur, cela peut vous amuser. » Les invités, Kelly, Burton et Clarence Chauncey, jeune ingénieur blond et mince, assez efféminé, se groupèrent autour du panier en question. Les pierres circulaient de main en main, arrachant des exclamations à chacun. « Quelle vie dure vous devez mener, messieurs ?» dit Clarence Chauncey, « quand vous êtes à la recherche d'un terrain diamantifère. Cela doit être horrible, rien que d'y penser, j'en ai la chair de poule. » « Oui, » repartit Burton, « dur, en effet. Mais le succès nous procure de telles joies qu'il nous est impossible d'en rêver d'autres. » Ainsi, concevez-vous l'ivresse qui peut saisir un homme quand il trouve ça, par exemple? Et se disant, Burton montrait à son interlocuteur un simple anneau d'or où étincelait un admirable diamant. « Oui, c'est une merveille, vraiment, » répondit Chauncey en examinant le joyau. « Je l'avais déjà remarqué, mais j'ignorais que c'était vous qui l'eussiez découvert. C'est moi, en prospectant dans les Nouvelles-Galles du Sud. Il vaut 70 000 francs. » Cependant, Kelly examinait toujours les cailloux. Il vit successivement de beaux lapis-lazuli, des malachites, des quartz et même de l'or. Il hochait la tête à chaque pierre, la soupesant, la flairant presque, en appréciant toute la valeur. Soudain, ses mains demeurèrent immobiles, ses yeux devinrent fixes, sa bouche s'ouvrit comme pour parler. Mais presque aussitôt, il scruta les invités d'un regard circulaire, inquiet, pour voir si son émotion avait été remarquée. Rassuré, il continua de la manière la plus naturelle du monde à regarder l'échantillon qu'il tenait entre ses doigts, mais ceux-ci tremblaient un peu. Pour être plus libre de ses mouvements, il se leva et alla sous une grande lampe à pied à quelque distance de la table de jeu. Là, il osa retourner dans tous les sens le caillou ovale et mat qu'il avait tant ému. Ses petits yeux brillaient étrangement et sa respiration était oppressée. Une question de Stetson lui demandant ce qu'il complotait le fit tressaillir. « Rien, rien !» répondit-il brusquement en revenant près de la table. À regret, il voulut remettre le morceau de quartz dans le panier parmi les autres, mais Burton arrêta son bras au passage. « Peut-on savoir ce qui vous a tant intéressé ? » ricana-t-il. Kelly esquissa un recul. Une flamme aussitôt éteinte brilla dans son regard. Il grogna sourdement. Il lui donnait n'importe quoi pour empêcher Burton de prendre l'objet qu'il tenait encore, mais cela était impossible, il le sentit. Aussi fut-ce d'un ton assez naturel qu'il répondit en le lui donnant. « Mais oui, bien sûr. Voyez, c'est un beau rognon de Carialin. » Puis il suivit des yeux son rival. Ainsi qu'il l'avait fait lui-même, celui-ci se dirigea vers la lampe à pied. Tout à coup, Burton poussa une exclamation étouffée et resta comme figé sur place. Kelly, qui ne perdait pas un de ses mouvements, serra les poings, proféra entre ses dents un juron effroyable. Leurs yeux se rencontrèrent, ils s'étaient compris. Kelly se rapprocha de Burton, celui-ci murmura. « Part à deux. »« Jamais, c'est moi qui l'ai inventé. Comme tu voudras. » Puis à voix haute, s'adressant à Stetson, « Dites-moi, mon cher gouverneur, voici, il lâche papa, qui lui avait mis la main sur le bras. Misérable convenu, tais-toi !» Heureusement pour eux, Stetson, occupé ailleurs, n'avait pas entendu l'appel de Burton, qui l'y reprit. « Selon toi, qu'est-ce qu'il pèse ?»« Pas moins de 4 500 à 5 000 carats. C'est le plus gros diamant que j'ai jamais vu. S'il doit être à peu près pur, c'est un morceau qui vaut de 20 à 30 millions. » Oui, c'est ce que je pensais. Ah, c'est fou, c'est fou. Écoute, je vais le garder dans ma poche. C'est ça, pour qu'on s'aperçoive de sa disparition et qu'on nous pince. Non, je viendrai ce soir quand tout le monde sera couché, je le prendrai. Nous partagerons la vente. Alors je viens avec toi. Mais non, ça n'est pas pratique à deux. On fait plus de bruit et tu ne pourras que me gêner. Qu'est-ce qui me garantit alors? Ah oui, naturellement, tu veux une garantie. Eh bien, tiens, voilà mon brillant. Et puis tu montres à la garde dans le couloir. Es-tu rassuré? Et Burton tendit à Killy sa bague au diamant étincelant. Rassuré, rassuré, à moitié. Enfin, gare à toi si tu veux me tromper. Ta paume garantit encore bien plus que ça. Cependant, il mit la bague à son doigt en tournant le chaton à l'intérieur. À ce moment, la voix de Clarence Jonesay les interrompit. Eh bien, les deux anabaptistes, que conspirez-vous donc là-bas? Peut-on voir ce qui vous intéresse si fort? Bien sûr, ce n'est rien de bien extraordinaire. Un rognon de quartier à l'un, tout simplement, répondit gaiement Burton en lui lançant la pierre, ce qui fit frémir Gailey. Tu n'as pas peur qu'il reconnaisse? Boah, il n'en a jamais vu, il ne sait pas ce que c'est. Et puis, précisément, j'ai détourné l'attention. Clarence Jonesay avait attrapé au vol le soi-disant rognon et l'examinait attentivement. D'un geste tranquille, il le remit à sa place. Mais sous ses paupières baissées, ses yeux étaient bien brillants, et l'ombre d'un sourire s'esquissa sur ses lèvres fines. Quand il eut successivement porté son regard sur les deux complices qu'il observait, son calme le rassura complètement. « En effet, conclut-il, ce n'est que du quartz, mais il est bien joli. » Et après avoir allumé une fine cigarette à bout doré, il traversa le salon pour prendre congé de l'hôte du logis. Jonesay a raison, messieurs, il se fait tard, et demain matin il faut être debout de bonne heure si nous voulons avoir du gibier. Je vous laisse libre, mais je vous préviens que moi je vais me coucher, déclara Stetson. Bonsoir, mes amis. Les Hunchmen, Lewis Falk et Stalton, qui devaient regagner leur maison, se levèrent en même temps et s'en allèrent bientôt. Henry Burton, Kelly, Jonesay et le maître de séance quittèrent ensemble le salon pour rejoindre leurs chambres respectives. Le pas d'une ronde martelant le pavé grandi et décru, puis tout retomba dans un silence profond. Environ une heure après que Stetson et ses hôtes eurent déserté le salon, la porte du fond, qui donnait sur un couloir aboutissant à l'escalier principal, s'ouvrit et Burton, vêtu d'un pyjama, une petite lampe électrique à la main, apparut. Outre la porte par laquelle il venait d'entrer, la pièce avait une autre issue, située en face de la précédente et qui donnait accès à la salle à manger. Entre la salle à manger et la cuisine se trouvait un second escalier. Projetant avec prudence le rayon lumineux de son ampoule autour de lui pour s'orienter, Burton s'avança vers le petit meuble où Stetson avait enfermé la corbeille. Il l'ouvrit, éclaira l'intérieur de l'armoire afin de ne pas trahir sa présence et chercha le diamant. Au même moment, et sans qu'il l'entendît, la porte de la salle à manger tourna lentement sur ses gonds, livrant passage à Clarence Jonesay. Silencieusement, le jeune ingénieur s'approcha de Burton. Ses pieds mis sur le tapis épais ne faisaient aucun bruit. Seuls les mouvements de Burton, qui se croyait en sûreté, agitaient l'air d'un froissement léger. Lorsque Jonesay fut derrière lui, il leva son bras armé d'un poignard. L'autre venait de prendre le diamant et l'éclairant plein dans le faisceau de sa petite lampe, il murmurait, extasié. « 25 millions. 25 millions. Oh !» Un râle horrible sortit de sa poitrine. Le bras de Clarence Jonesay s'était abaissé. Burton tituba, se débattit, mais une poignée solide le soutenait. Alors commença une lutte poignante et courte. L'assassin maintenant sa victime et se cachant derrière elle afin de ne pas être reconnu, et le malheureux Burton faisant des efforts surhumains pour se retourner et voir son agresseur qu'il croyait être Kelly. Mais la perte de son sang l'affaiblissait rapidement. Il se laissa tomber sur les genoux. Ah, Kelly, misérable traître, voleur, assassin, oh ! Il tomba de tout son long en arrière, avec un hoquet qui macula de sang son pyjama bleu clair. L'assassin, tranquille maintenant, prit la gangue que l'autre tenait encore dans sa main crispée et la mit dans sa poche. Le sourcil froncé, il réfléchit. Oui, mieux valait la dissimuler d'abord, car Kelly pouvait entrer et la subtiliser. D'autre part, pour éviter des ennuis au cas où celui-ci serait pris et avouerait, et pour qu'on ne remarque pas l'absence de la pierre, il décida de la remettre à sa place le lendemain matin, en profitant de l'émotion générale qui ne manquerait pas de se produire à la découverte du cadavre. Ensuite, il demanderait incidemment à Stetson lui-même de lui donner cet échantillon de quartz. Ainsi, aucun soupçon ne pourrait exister. Avant de quitter la pièce, il s'agenouilla près de la victime pour voir si elle vivait encore. Pendant qu'il était dans cette position, un léger bruit lui parvint aux oreilles. Il écouta, le cœur oppressé. La lune, alors dans son plein, éclairait toute la partie du salon où il se trouvait. Il le constata avec une malédiction, mais elle n'osa pas bouger. Soudain, dans l'embrasure de la porte du couloir, la haute stature de Kelly lui apparut. D'un bond, il fut debout, furieux. « Hell damn it! By God !» répondit Kelly, pétrifié d'horreur. Mais avant qu'il pût faire un mouvement, Jones avait déjà gagné l'autre issue, et lorsque le colosse voulut le poursuivre, il vint se heurter contre la porte fermée à clé. « By God !» répéta Kelly machinalement. Il était tellement confondu qu'il concevait à peine ce qui venait de se passer. Il restait immobile au milieu de la pièce, attendant que ses esprits lui revinssent. Peu à peu, la situation lui apparut plus nette. Son premier mouvement fut de regretter de ne pas s'être lancé à la poursuite de Chauncey, quitte à enfoncer la porte. Mais il réfléchit que l'ingénieur, une fois pris, le diamant l'était aussi. D'ailleurs, il faudrait expliquer sa présence à cette heure dans le salon, et d'instinct qu'il y redoutait les explications. En outre, la grosse question pour lui étant l'existence du joyau, et l'avis de Burton lui important assez peu, il se disait que rien n'était changé sauf le complice. C'était toujours par à deux ou sans ça. Et un grand geste complétait sa pensée. Toutes ces choses se brouillaient dans sa cervelle rudimentaire. Il eut envie d'appeler, de crier, mais il s'effraya de nouveau des explications à donner de la perte probable du diamant, et brusquement il ne désira plus qu'une chose, s'en aller, remonter se coucher, éloigner de lui ce mauvais rêve. Cette solution s'impose à lui parce qu'elle évitait toute complication pour le moment, et comme c'était un esprit faible, elle le satisfit entièrement à cause de cela. Il rentra donc chez lui après avoir jeté un regard indifférent sur le corps de Burton, allongé immobile dans un rayon de lune bleuâtre. Le lendemain matin, Stetson pénétra dans le salon pour y déposer des livres. Son regard tomba aussitôt sur le cadavre de son hôte. Épouvanté, il crut d'abord à un accident. Mais le sang qui sortait de la bouche et le couteau lui prouvèrent bientôt qu'il s'agissait d'un crime. Très ému, il appela les domestiques et donna l'ordre d'aller chercher un médecin et le brigadier de police. Clarence Chauncey le rejoignit aussi. Il semblait bouleversé par cet événement. En quelques mots, Stetson le mit au courant. À eux deux, aidés d'un agent, ils déposèrent le cadavre sur une table. À ce moment, le brigadier entra accompagné du médecin. « C'est invraisemblable, » disait Stetson. « Si ce crime a été commis par une personne étrangère à la maison, je ne vois pas du tout par où elle a pu entrer. S'il a été commis par quelqu'un de chez nous... » Il fut interrompu par l'arrivée de Jim Kelly, qui feignit un grand étonnement à la vue du corps de Burton, mais resta très calme. « Monsieur le gouverneur, » demanda le brigadier, « où se trouvait le cadavre au moment où vous l'avez aperçu ?»« Ah oui, où se trouvait le cadavre ?» répéta machinalement Stetson. « Eh bien, voyons, ici, je crois. C'est curieux, je ne me souviens plus bien. Oui, c'est cela. Les pieds devaient être par conséquent là, près de la chaise, n'est-ce pas ?» Alors, très naturellement, retirant son cigare de sa bouche, Kelly s'avança d'un pas. « Non, vous vous trompez, les pieds étaient bien sous la chaise. » Stetson releva vivement la tête. « Mais, Kelly, comment le savez-vous? Vous êtes entré quand le corps était déjà sur la table ?» Les yeux de Kelly s'effarèrent. « Oui, c'était vrai, il s'était coupé. » Il avoua. « Ah, et puis oui, tenez, je l'ai vu avant. J'étais venu chercher quelque chose ici, un porte-monnaie que j'avais oublié. Alors je l'ai vu. » « Pourquoi n'avez-vous pas appelé ?» Pourquoi êtes-vous remonté chez vous sans signaler l'assassinat? Pourquoi avez-vous faim de l'ignorer? » C'était bien ce que Killy appréhendait, les questions. Déjà, ses idées s'embrouillaient. Il recula et répondit d'un air bourru. « Est-ce que je sais, moi? J'ai voulu appeler, bien sûr que j'ai voulu, mais j'ai pensé qu'on s'en apercevrait bien sans moi et qu'il valait mieux que je ne me mêle pas de cette affaire-là. » Stetson comprit, en voyant le pli têtu qui se dessinait entre les deux sourcils de Killy, qu'il ne pourrait rien en tirer s'il le heurtait de front. Il lui dit donc doucement « Je vous comprends, la rigueur, mais vous auriez tout de même mieux fait de nous prévenir. Peu importe, puisque vous êtes entré avant nous, n'avez-vous rien remarqué de particulier ?»« Non, rien, j'ai vu Burton et je suis parti. » Et son œil cherchait celui de l'ingénieur. Il signifiait clairement que son silence était au prix de sa part de la prise. Mais il ne put rencontrer le regard de l'assassin. Cela le troubla. Cependant, à aucun prix, il ne voulait avouer ce qu'il avait vu, craignant qu'on ne découvrît le diamant. Stetson insista. « Voyons qu'il y répondait. Comment se fait-il que cela ne vous ait pas paru bizarre, que vous n'ayez même pas eu la curiosité de voir comment il avait été tué ?»« Comment, comment, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que ça s'est passé comme ça et puis pas autrement. D'ailleurs, ça me regarde pas. »« Pardon ? Cela vous regarde même beaucoup, mon cher. » « Allons, pourquoi n'avez-vous rien dit ?» Killy esquissa un geste vague et ennuyé. « Non, non, nous ne sommes pas disposés à nous contenter de mauvaises échappatoires. Nous ne sommes pas des enfants, que diable. Voyons, parlez !» Stetson prononça ces dernières paroles d'un ton si ferme, si autoritaire, que Killy releva vivement la tête, comme s'il eût été cinglé d'un coup de fouet. Son masque devint sombre et mauvais. « Stetson !» gronda-t-il. « J'ai dit ce que j'avais à dire, c'est tout. Adieu !» Il fit un mouvement pour sortir, mais un signe du gouverneur, deux agents s'étaient interposés entre lui et la porte. En les voyant, un flot de sang lui monta au visage. Il serra les poings et, se retournant, la voix étranglée. « Tonnerre ! Vous n'allez pas me retenir contre ma volonté, je suppose ?» Froidement, Stetson répondit. « C'est ce qui vous trompe. Jusqu'à ce que vous décidiez à parler, nous vous retiendrons. » Qu'il eut un éclat de rire sauvage, ses yeux étincelaient, les veines de son front semblaient gonflées à éclater. « Ah ! C'est drôle, ça, par exemple. Ce sera la première fois. Attention » cria-t-il en se tournant vers les agents. « Place brute ou je cogne !» Et il se précipita sur la porte. Mais déjà les quatre policiers étaient sur lui, et avant qu'il ait pu se défendre, avec l'habileté miraculeuse des détectives anglais, il lui avait passé les menottes. Rugissant, écumant de fureur et de rage, il bondissait en hurlant. « Brute, sanglante brute, je vais vous tuer !» L'un des policiers, narquois, en l'immobilisant sur une chaise, lui répondit « Ah non, assez d'un !» En entendant ces mots, brusquement, toute sa colère tomba. Comment ? On le croyait coupable ? Mais oui, puisqu'on l'arrêtait. Dans les premières minutes de révolte, il n'avait vu que le geste brutal. Maintenant, il comprenait le soupçon. Se sachant innocent, il crut qu'il lui serait facile de se disculper, qu'il n'y avait là en somme qu'une erreur causée par sa faute, et, calmé, il demanda avec étonnement. « Non, vrai, vous pensez que c'est moi? Mais c'est idiot, c'est fou! Quel intérêt aurais-je eu à ce meurtre ?» Convaincu qu'on le mettrait bientôt en liberté, il trouvait presque comique qu'on pût le croire l'auteur de l'assassinat. Stetson, très froid, se chargea de lui enlever ses illusions. « Killy, actuellement je ne vous cacherai pas que de graves présomptions pèsent sur vous. Si vous persistez à ne pas vouloir parler, ces présomptions se changeront en certitude, car... » Pendant que le gouverneur prononçait ces paroles, la figure de Killy exprima une stupéfaction sans borne. Quoi ? L'accusé ? Lui, qui avait vu l'assassin perpétrer son crime ? Cela lui semblait monstrueux. Il tenta de se défendre. Il ne fit que se répéter. Enfin, poussé à bout, il s'écria : Et quand je pense que je n'ai qu'un mot à dire pour me disculper ? Pourquoi ne le dites-vous pas ? Lui demanda Stetson. Ah, pourquoi ? Voilà, à cause du diamant, parbleu. S'il accusait Clarence Jonesay, du même coup il s'innocentait, mais il était obligé de dévoiler l'existence de la pierre précieuse, et la perte des 12 millions qu'il croyait déjà à lui l'empêchait de parler. Car il ne pouvait penser que ce fût sérieux. Il s'imaginait que d'un moment à l'autre tout s'expliquerait de soi-même. Cependant, il n'en fut rien. Alors, voyant que tout était fini, s'il ne racontait pas ce qu'il avait vu la nuit, il se leva, et des deux mains désignant le jeune ingénieur. « Tenez, j'aime mieux tout perdre. C'est lui, l'assassin, je l'ai vu. » Il raconta l'assassinat. Mais on ne le crut pas. Jonesy levait les épaules en riant. Killy se sentit perdu, s'affola. Une telle infamie le confondait. Il répéta de nouveau les faits, menaçant le jeune Anglais de ses deux mains réunies. Tout à coup, la petite voix claire et incisive de l'ingénieur s'éleva. « Ah, vous dites que j'ai volé un diamant colossal. Mais est-ce aussi moi qui ai volé celui-ci, que la victime portait hier ?» Et l'index tendu vers le doigt de Killy où brillait la pierre donnée en gage par Burton, Clarence Jonesy ricanait triomphalement. Le malheureux Killy hurla de désespoir et d'impuissance à cette nouvelle preuve. Tout l'accablait. Il suppliait et sanglotait maintenant. « C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est lui, puisque je l'ai vu !» Enfin, au moment où on allait l'emmener pour le conduire à la prison, le médecin qui n'avait pas quitté Burton arriva en courant. La victime, qui n'était qu'en syncope, semble avoir un instant de lucidité. Elle parle, si vous voulez la voir. « Assurément, » répondit Stetson en s'empressant. Killy avait entendu ces mots. Il se raccrocha à cette dernière planche de salut et supplia le gouverneur de lui permettre de l'accompagner. Lorsqu'ils furent devant le moribond, celui-ci usa ses dernières forces et d'une voix rauque et saccadée que la mort prochaine affaiblissait à peine. « Killy » prononça-t-il. « Killy, traître, tu m'as tué !» Killy reçut ce coup de massue sans comprendre. Il crut qu'il devenait fou. Désespéré, il se traîna au pied du lit de Burton en pleurant et en criant « Burton, tu sais bien que ce n'est pas vrai. Oh mais dis-le donc que tu as menti. Tu mens, tu mens !» On l'emporta. Ce pauvre corps n'était plus qu'une locumène sans force et sans pensée. En quittant la pièce, Stetson disait à Clarence Jonesy « Cet aveu de la part de la victime va beaucoup simplifier l'instruction. » Un mois après ces événements, Clarence Jonesy vint faire une visite à Charles Stetson. Incidemment, au cours de la conversation, il lui réclama la pierre qu'il lui avait demandé de mettre de côté pour lui. Stetson se frappa le front et se traita d'oublieux. Son ami, celui qui les lui avait confiés, était venu les reprendre le lendemain même du drame, et il lui avait donné sans penser à garder celle qu'il avait promise à Jonesy. L'ingénieur tressaillit. Après l'arrestation de Killy, il avait remis le diamant à sa place, se réservant de ne le réclamer qu'après l'exécution de celui-ci. Or, Killy avait été électrocuté la veille. « Ne pouvez-vous la demander à votre ami ?» insinua-t-il négligemment. « J'y tiens assez. C'est une pierre qui manque à ma collection. J'en suis désolé, mais vous vous rappelez qu'à l'instruction, on a eu besoin de ces échantillons. J'écrivais alors à leur propriétaire qui me répondit que malheureusement il ne pouvait me les envoyer. Il les avait donnés à ses enfants qui s'étaient amusés à les jeter dans la mer. Mais qu'avez-vous? Vous êtes malade? » Clarence Jonesy fut enfermé comme fou furieux dans un asile d'aliénés plusieurs jours après. Par des paroles qui lui échappèrent dans ces quelques moments de lucidité, on reconstitua son crime et l'on reconnut l'innocence de Killy. Mais il était mort. Ne pouvant faire autre chose, on le réhabilita. Le diamant qui ornait la barque de Burton et qui causa la mort de trois hommes est actuellement au musée de Sydney où une notice rappelle son histoire et les événements auxquels il fut mêlé. Ainsi s'achève Le diamant fatal par Pierre Lecomte du Nouy.